Avec sa tragédie d'Horace, Pierre Corneille nous emmène aux origines de la Rome antique. Nous sommes au début du 7e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du troisième roi légendaire de Rome, Tulle ou Tullius Hostilius, en guerre contre Albe, la ville voisine. La tragédie se déroule dans la maison du vieil Horace. Sabine, née à Albe, a épousé le Romain Horace, et elle déplore ces guerres fratricides qui opposent Romains et Albains. Pour mettre un terme à ces guerres, le sort doit désigner dans chacun des camps trois champions chargés à eux seuls de faire triompher la cause de leur patrie. Le sort ayant désigné Horace et ses deux frères pour Rome et les trois Curias pour Albe, Horace, l'époux de Sabine, et son beau-frère Curias, fiancé de Camille, la sœur d'Horace, se retrouvent alors chez le vieil Horace.